Lettre 12e de Sainte-Croix de Tenerife, le 22 octobre 1817. Le vent s'étant déclaré favorable, nous avons levé l'ancre, et après avoir traversé le détroit, nous avons mis le cap sur Tenerife. Nous laissons derrière nous le royaume d'Alger, et à notre gauche ceux de Fès et de Maroc, déserts stériles et sauvages, séjour de l'ignorance et de la barbarie, habités par des hommes aussi féroces que les lions et les tigres qu'ils combattent. Les côtes d'Europe ont disparu. Le navire fond les flots avec rapidité. On crie terre. Ce sont les Canaries. Nous sommes à Tenerife. Ce petit archipel, connu des anciens sous le nom d'île Fortunée, est composé d'un groupe de 7 îles dont les plus grandes sont Canaries, Fort-Aventure et Tenerife. Cette dernière est la plus fertile et la plus peuplée. On y récolte 8000 barriques de vin par an. Et tu sais qu'on en boit à Paris seul plus de 20 000, qui à coup sûr n'ont pas traversé les mers. Les écrivains espagnols du XIVe siècle, qui ont parlé de Tenerife, ont assuré, sur la foi de leurs navigateurs, que dans cette île, ainsi que dans celle qui l'avoisine, il se trouvait un arbre d'une prodigieuse hauteur qui ramassait les vapeurs de l'atmosphère, de manière qu'en le secouant, on obtenait une eau claire et bienfaisante. Il y a toujours de la fable dans l'histoire. Si nous en croyons encore un de leurs rêves, l'île de Palma était découverte par deux amants, qui, exilés de Cadix, leur patrie, achetèrent un petit bateau, s'abandonnèrent au vent, et résolurent de ne pas se survivre. Après avoir longtemps erré au gré des ondes, ils aperçurent cette île, où ils abordèrent avec beaucoup de difficultés, et qu'ils appelèrent Palma, à cause de la grande quantité de palmiers dont elle était couverte. Tu sais le degré de foi qu'il faut ajouter à tous ces contes d'amants, et combien l'histoire du monde serait courte, si l'on en retranchait les rêves d'une imagination peu réfléchie et toujours avide de merveilles. Ces îles sont volcaniques, ainsi que toutes celles de cet océan. On y compte environ 140 000 habitants, dont 64 000 appartiennent à Tenerife. Sainte-Croix, où réside le gouverneur, quoique l'audience royale soit établie à Canaries, est une petite ville assez sale, s'étendant du nord au sud. La moitié des rues à peu près en est pavée, et les Espagnols y conservent les mœurs et les habitudes de leur pays, avec les modifications nécessitées par le climat. Juge de leur indolence. Le bord des maisons est peint de deux bandes noires et larges qui ne tendent pas mal à leur donner un aspect tout à fait lugubre. La rade, ouverte à presque tous les vents, n'a de remarquable que son peu de sûreté, car le fond en est excessivement mauvais et les atterrissages très dangereux. Nous y avons trouvé 2 ou 3 barriques français et américains qui faisaient de l'eau et 12 de pinques espagnoles montées par des hommes dont l'existence me paraît un problème. Figure-toi, mon ami, un navire à moitié pourri où sont attachées 2 poutres en forme de mât soutenant quelques fragments de vergue auxquels sont collés 2 lambeaux de toile de diverses couleurs recevant à peine un souffle de vent qui se joue parmi leurs débris. Place à leur sommet un morceau de chemise rouge ou une queue de requin en guise de pavillon. Jette sur un navire ainsi équipé 40 de figures à calot, entassées les unes sur les autres, sautant, jurant, faisant aussi rapidement qu'elles le peuvent le trajet du Cap Blanc où elles vont pêcher, à Tenerife où elles vendent leurs poissons. Ne se nourrissant que de quelques légumes et de pâtes faites avec du maïs, et tu n'auras encore qu'une faible idée des mœurs et de la vie de ces hommes étrangers aux coutumes de toutes les nations, et soumis seulement aux codes de loi qu'ils se sont créés. Leurs témoignages d'amitié sont des cris, leurs querelles des vociférations, leurs armes des couteaux, leur vengeance du sang. Quel motif autre que la honte et le crime peuvent leur avoir fait adopter ce genre de vie? Quelle autre raison qu'une conscience endurcie peut les y retenir? En calculant leurs ressources, puisqu'ils vivent, ils sont industrieux. S'ils sont industrieux, pourquoi s'exiler de leur patrie, où plus de moyens de subsistance sembleraient devoir les attacher? En vérité, ces malheureux feraient horreur s'ils n'inspiraient la pitié. Nous sommes en rade depuis 2 jours, et nous n'avons encore vu le fameux pic que de fort loin, et dans un horizon douteux. Je brûle de le gravir. Mais comme il est à 8 lieues de Sainte-Croix, et que nous en ignorons la route, le gouverneur aplanira sans doute pour nous les difficultés du voyage. Le chef de notre expédition, en lui rendant compte de sa mission, lui adresse une lettre flatteuse. Le Français qui remplit les fonctions de consul nous assure, avec un sourire malin, que le gouverneur ne nous répondra pas. Comme on nous avait dit à Gibraltar que c'était le général Palafox, il me fut difficile de deviner le motif de son silence. La bravoure n'exclut pas la politesse. Mais le consul, en nommant Don Pedro de Laborias, nous donne d'autres raisons. Monsieur le gouverneur ne sait pas écrire. Mais son secrétaire, il ne sait pas écrire. C'est différent. De pareils hommes représentent une nation. La nôtre est-elle mieux représentée à Tenerife? Et n'est-ce pas une insulte faite à notre pavillon que le silence injurieux qu'on a gardé à notre égard? Nos astronomes vont faire leurs observations au Lazaret, distant d'une demi-lieue de la ville. Une rangée de petits cailloux sépare les malades des habitants. Un soldat de la garnison, portant sur l'épaule une arme qui ressemble assez à un fusil, est là pour veiller à la sûreté publique. Il mange, en se promenant, une boule de pâte qu'il pétrit dans sa main. « Que mangez-vous, camarade ?»« Du pain. » Je cherche en vain à me persuader qu'il ne me trompe pas. « Est-il bon ?»« Excellent, goûtez. » Ma langue se colle à mon palais. « Quel est votre solde, ce pain ?»« Et de l'argent ?»« Jamais. » »« Vous n'en avez donc pas ?» Pour dire où, je ferai à pied le tour de l'île. Voulez-vous accepter ces 2000 piastres pour boire à ma santé? La somme est trop forte, on croirait que je l'ai volée. Acceptez. Ma foi, monsieur, je craignais de ne pas vous entendre répéter votre offre généreuse, 1000 remerciements. Un regard d'un de nos grenadiers fait reculer le piquet qui vient relever la sentinelle. Ce ne sont pas des Espagnols. Quand je vois 2 ou 3 forts irréguliers, placé de manière à être facilement bombardé, quand je n'aperçois qu'un petit mur sur les sommets qui dominent la ville, quand je sais que presque sur tous les points de l'île on peut, sans difficulté, effectuer des débarquements à l'aide de chaloupes, je me demande comment il est possible que l'amiral Nelson, dont la réputation est si colossale, soit venu laisser ici un bras, toutes ses embarcations, ses drapeaux et ses meilleurs soldats, sans pouvoir s'emparer de Sainte-Croix. Qu'un de nos amiraux y soit envoyé, il n'y laissera ni ses vaisseaux, ni ses soldats, ni ses drapeaux, et nous aurons l'île. Adieu.